novembre, on maigrit tout l'automne. Je fais tout pour avoir mon nom sur tes lèvres. Je pensais de voir si j'ai le temps. Mes flingues et mes putains d'habits sont neufs. Mes potes passent leur été à l'ombre. Et si j'ai rien trouvé pour m'attendrir, j'ai des rêves qui sont tombés à l'eau. Ah ouais. Scoop. Mec, on est trois dans la même. Longue vie à nous, je devrais gars. J'ai perdu le souvenir de la veille. Sur ma tête, je suis seul sur ma taille. Moi, j'avais pas le temps de l'enfer. Loyal en un. J'avais une lame sur la joue. Trois pas en un. Là, j'en ai trois sur ma haut. C'est pas le flic qui fait la loi. Je suis pas dans un dream. Tu briques dans le froc. J'empile, c'est bandant. J'aime pas le bleu marine, j'aime pas couper à l'œil. On fait de la magie, ouais. Ma poule s'y parle anglais, français, espagnol et japon. Sur mon S, y'a que les charmants. Whip it, whip it, whip it, whip it. J'fais du lick it, lick it, lick it, lick it. J'ferais plier l'offre, t'es drôle comme Ali G. Moi j'fais du lick it, lick it, lick it, lick it. J'en ai une grande aménagée, plus la kitsch. Ma tasse prends pas de bitch. Panamera, c'est quitter l'hexagone trop riche. En chemise blanche, qui vivra verra. Là j'en ai trois sur ma haut. Quel est le price? Mec, qu'on est trois dans la merde. Longue vie à nous, je devrais gars. J'ai perdu le souvenir de la veille. Sur ma tête, je suis seul sur ma tête. Moi j'avais pas le temps de leur faire. Loyal en main. Jamais une lame sur la joue. Trois pas en un. Là j'en ai trois sur ma haut. Tu prends, tu cup. Rip it, rip it, rip it, rip it. Garde, check. Et lick it, lick it, lick it, lick it. Quand les types deviendront grands et qu'ils seront plus des élèves. Ils vont reprendre le bordel avec des gants. Un putain de Mac 11. Trois dans la BMO. Minuit sur ma lolly, j'connais le code. J't'aimerais si t'avais les yeux verts et moi. Ils nous aiment pas, tant pis, j'fais tomber la neige. J'vais construire et m'arrêter. J'ai des principes un peu trop. Bébé, j'ai grandi avec. Elle va m'asser d'équilibré comme les grands astres. Ta tête, c'est qu'un contrat pour mes soldats. C'est plus que c'est tes gars. On doit pour ceux qui viennent en touriste. La soirée des cris sous les draps. Des pleurs et du sang dans les hauts. Mais qu'on est trois dans la mer. Longue vie à nous, je devrais rien. J'ai perdu le souvenir de la mer. Sur ma tête, je suis seul sur ma taille. Quand j'avais pas le cœur de leur père. Loyal en homme. Jamais une lame sur la joue. Crois pas en nous. Là j'en ai trois sur ma main. Les arbres ont maigri tout l'automne. Je fais tout pour avoir mon nom sur tes lèvres. Je passerai de voir si j'ai le temps. Mes flingues et mes putains d'habits sont neufs. Mes potes passent leur été à l'ombre. Et si j'ai rien trouvé pour m'attendre hier, j'ai des rêves qui sont tombés à l'eau. Oh, les arbres ont maigri tout l'automne. Je fais tout pour avoir mon nom sur tes lèvres. Je passerai de voir si j'ai le temps.